il faut que ça pète, ouais, comme une bombe dans le Gaza. Mon son il sort de la rue, tu le verras pas faire les magasins. Ok, j'envoie du sale, c'est soso, j'envoie tout valser. J'ai la tête pleine de nerfs, je ressens comme l'envie de me relaxer. Sale comme d'habitude, je reste rapace dans l'attitude. Je la place pour mes frères qui chaque jour placent des bitures. Ok, la bique gravée dans ma tête, je pense qu'à niquer le bénéf. Y'a tellement de fois à faire que je pense même arrêter de bédard. Mais c'est la merde, y'a trop de mes potes sous pliables. Non, je vais pas dire le mot pote, ça existe pas, y'a que des piratés. Je vais t'informer, que la street elle m'a formé. Que si les keufs m'interrogent, ma bouche elle restera fermée. Je préfère me faire enfermer, que finir ma vie comme fermier. C'est la merde, mais dans mes rêves, je pète toutes les portes fermées. Mais les règles y'en a qu'une. Tu casses pas les couilles, personne t'emmerde. Tu fais chier, on te pète les rats. Tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est la seule loi. Et tous les voyous la connaissent. J'arrive sur le but en bécane, aïe. Pas mal, qui dit rap, dit rifa, qui dit Beckham, dit Panam. Si t'es en rien, j'te rime et le flow, j'te dépanne, man. Parle pas doigt, m'envoie-moi la prod et j'la crame, aïe. Ferme ta crame, mouille, ta me sous mes draps mouille. Pour elle, c'est grand amour, donc je rappelle que je n'ai pas de maille. Mon père m'a toujours dit, vite pas ta vie pour une femme. À quoi sert d'offrir des roses si c'est pour qu'au final elle fane. On trouve la paix dans un fond de bouteille, ce monde nous rend fou, putain. Ce mec est prêt à te buter si tu lui files pas ton butin. Moi j'ai qu'un mic et j'l'utilise pour évacuer, soigner mes plaies, ma ville c'est SNS. Maintenant, vous savez les plaies, vas-y mes plays. Là c'est du lourd qui va les tours en boucle. J'hésite à faire tapis car en face je les vois tous dans le doute. On leur met en douce dans le bolide, finiront à douze dans le trou. Ce son c'est du lourd pour les vrais qui tous les jours m'entourent. Je voudrais vraiment t'aider. Et comment vous comptez faire ça? Certainement en me donnant des conseils. Faut pas rêver. Qu'est-ce que vous croyez? Sauver de ma propre vie. Y'a trop de choses à dire, y'a trop de choses à faire. La vie est dure mais t'inquiète pas mon grand, tu vas t'y faire. Faut rester fort, assumer et ne pas fuir. Parfois c'est raide, y'a des choses à ne pas faire. J't'invite à réfléchir, parlons peu, parlons bien. J'inventerai à la terre, détruit et efface nos chemins de jour en jour. Tu vois le temps se dégrader, l'état nous pousse, mais veut pas nous laisser passer. Tous les jours dans la rue, tu vois rôder les staffettes. Tu te remémores des mauvais moments, mais est-ce ta faute? On se serre la ceinture, le roi nous guette en haut de sa tour. On s'entoure des vrais. Et soyons mieux, notre parcours dur, dur de nous la faire. Trop malin pour que ça foire, j'y crois dur comme fer. De le rêver, je serre la mâchoire. Je constate que l'ennemi aimerait bien qu'on se tôle. Je te confirme, c'est bien nous, des frères des terres viennent s'installer. Et en fait, tu vas pas me laisser s'en tirer comme ça? Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve, on se demande où va le monde. Voilà, t'as vu où il va le monde? Ça te la coupe, hein? C'est bon, là, c'est putain, pas... mais t'es complètement... Mais c'est pas vrai, t'es complètement barge, putain, t'es con, quoi.